dans la mégalopole. Les mégalopolis traînent entre les voitures qui embrasent la nuit. Sans papier, sans espoir, traîne les sans-patrie, sans rien dans le regard, rien que des souvenirs. Ah, la lambra danse le flamenco, ah, mais rien que saigne le taureau. Au cœur de nos tempêtes, tourne les girouettes. Et qu'importe les vents, si vaincre est la direction. Et gouverne les gouvernements, et passe les saisons. Tranquillement s'effondre le cours de nos actions. Ah, l'alhambra danse le flamenco. Almeria que saigne le taureau. L'alhambra danse le flamenco. Almeria que saigne.